Non, ça sert à rien de rebrasser tout ça. Puis de me dire ce que t'en penses. Non, ça sert à rien de rebrasser tout ça. Ça a plus vraiment d'importance quand le coq chantera au lever du jour. Tu trouveras mes empreintes dans la cour. De toute façon, on avait pas mal fait le tour. Fait que pense-y plus, c'est ben chill. Non, ça sert à rien de rouvrir tes lumières, celles que j'ai jamais pu voir. Non, ça sert à rien de rouvrir tes lumières. J'ai appris à marcher dans le noir, mais au fond, j'aimerais bien que tu trouves la bonne phrase, celle qui me rappellerait nos voyages dans l'espace. Mais tes mots d'amour ont toujours manqué de gaz. Fait que pense-y plus, c'est ben chill. Non, ça sert à rien de crier mon prénom. Mais l'aurais-tu fait vraiment? Non, ça sert à rien de crier mon prénom. L'écho arriverait bien avant. Et si j'y repense un peu, en attendant le métro, j'ai aimé une femme, mais c'était rien qu'une ado. J'ai donné mon cœur, mais elle voulait ma peau. Fait que pense-y plus, c'est ben chill. Et j'ai enfin décidé de partir sans calculer la distance. Mais te dire au revoir, ça serait te mentir. Fait que je vais y aller avec bonne chance. Mais là, je dis pas que t'étais pas cool avec moi. T'aurais peut-être pu faire mieux, mais c'est pas plus grave que ça. T'as gaspillé mon temps, mais au fond, je t'en veux pas. Fait que pense-y plus, c'est ben chill.